éternel, mon Dieu, nul semblable à toi, sur terre ou dans les cieux. Par grâce, je viens à toi, j'entre dans le saint lieu, j'avance jusqu'à toi, vers toi je vais. Don't.